Une fois seules, Lisbeth et Valérie se regardèrent pendant un moment comme des augures et partirent ensemble d'un immense éclat de rire. « Voyons, Valérie, est-ce vrai ? » dit Lisbeth. « Ou n'est-ce qu'une comédie ?»« C'est une vérité physique !» répondit Valérie. « Hortense m'embête, et cette nuit, je pensais à lancer cet enfant comme une bombe dans le ménage de Venceslas. » Valérie rentra dans sa chambre suivie de Lisbeth et lui montra tout écrite la lettre suivante. « Venceslas, mon ami, je crois encore à ton amour, quoique je ne t'ai pas vu depuis bientôt 20 jours. Est-ce du dédain ? Dalila ne le saurait penser. N'est-ce pas plutôt un effet de la tyrannie d'une femme que tu m'as dit ne pouvoir plus aimer ? Venceslas, tu es un trop grand artiste pour te laisser ainsi dominer. Le ménage est le tombeau de la gloire. Vois si tu ressembles au Venceslas de la rue du Doyenné. Tu as raté le monument de mon père, mais chez toi, l'amant est bien supérieur à l'artiste. Tu es plus heureux avec la fille. Tu es père, mon adoré Venceslas. Si tu ne venais pas me voir dans l'état où je suis, tu passerais pour bien mauvais homme aux yeux de tes amis. Mais je le sens, je t'aime si follement que je n'aurai jamais la force de te maudire. Puis-je me dire toujours ta Valérie ?